The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Late. En retard. Tonne. La tonne. Work. Le boulot. Main. Principal. Poor thing. Mon pauvre. Wallet. Le portefeuille. Downstairs. En bas. Fortunately. Heureusement. Now, a bit faster. Late. En retard. Wallet. Le portefeuille. Poor thing. Mon pauvre. Fortunately. Heureusement. Wallet. Le portefeuille. Poor thing. Mon pauvre. Downstairs. En bas. Tonne. La tonne. Work. Le boulot. Fortunately. Heureusement. Wallet. Le portefeuille. Fortunately. Heureusement. Wallet. Le portefeuille. Poor thing. Mon pauvre. Wallet. Le portefeuille. Now, use the words in context. La tonne. I have a ton of revisions to make. I will never get my baccalaureate. J'ai une tonne de révisions à faire. Je n'aurai jamais mon bac. Le boulot. I have too much work currently. I will never get out of it. J'ai trop de boulot en ce moment. Je ne m'en sortirai jamais. Heureusement. I set fire to the house. Fortunately, the firemen arrived. J'ai mis le feu à la maison. Heureusement, les pompiers sont arrivés. Principal. The main objective in our company is to become the leader in the European market. Le principal objectif de notre société est de devenir le leader sur le marché européen. La tonne. I have a ton of revisions to make. I will never get my baccalaureate. J'ai une tonne de révisions à faire. Je n'aurai jamais mon bac. Le boulot. I have too much work currently. I will never get out of it. J'ai trop de boulot en ce moment. Je ne m'en sortirai jamais. Principal. The main objective in our company is to become the leader in the European market. Le principal objectif de notre société est de devenir le leader sur le marché européen.